Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le hockey, ses origines et quelques-uns de ses moments marquants. La rondelle arrive à la gauche du but, puis renvoyée vers Talbot, qui la passe par la bande vers Rochefort. Et là, Richard. Richard avec Rochefort. Il passe la ballonne dedans. Et comme! Et le Canadien remporte la Coupe Stanley. C'est un but d'Henri Richard, le frère de Maurice Richard, qui va permettre aux Canadiens de Montréal de remporter la Coupe Stanley en 1966. René Lecavalier, qu'on vient d'entendre. Le Canadien qui remportera 24 Coupes Stanley dans son histoire. C'est de loin le plus grand nombre de Coupes remportées par une équipe. Mais que l'on soit à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa, Halifax, et quelle que soit l'équipe que l'on soutienne, la passion du hockey est partout la même. À quand remonte le hockey chez nous? À qui appartient la paternité du hockey sur glace? Ce sport qui fait maintenant partie de notre ADN. Mon père m'avait donné une paire de patins comme cadeau de Noël. C'était la mode à ce moment-là, comme c'est encore aujourd'hui. Je me rappelle très bien d'avoir débuté les classes à Viterréville, alors que je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était la coutume que la plupart des maisons avaient une petite surface glacée. Et nous patinions après les classes, le samedi, dimanche, toute la journée. Je suis né ici à Montréal, dans la paroisse Saint-Denis. Et mon père a construit une maison avec son père à Bordeaux, à Saint-Joseph-de-Bordeaux, près de la prison, près de la rivière des Prairies. Et nous avions des champs alentour de la maison où on pouvait aller patiner, aller pratiquer. Et nous allions aussi à la patinoire publique à Saint-Joseph-de-Bordeaux. Je suis né en 51, ça veut dire 55-56, là, j'ai eu ma première paire de patins, que j'ai encore d'ailleurs, ils sont chez moi. Fait que mon père, avec les voisins, il a fait une grande, grande patinoire, pas aussi grand que le forum. Là. Pas 80 par 200, mais c'était assez grand. Puis, à 4-5 ans, il n'y a pas d'école à ce moment-là, mais on jouait à l'extérieur. Puis, c'était assez gros par semaine. Vous venez d'entendre, vous les avez reconnus certainement, certains d'entre vous, en tout cas, Jean Béliveau, Maurice Richard, Guy Lafleur, trois légendes du hockey qui nous racontaient leur tout début au hockey. Pour nous raconter les tout débuts du hockey, Laurent Turcot. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Amateur de hockey, Laurent, vous-même? Oui, tout à fait. Ouais. De mes premières heures, j'ai joué aussi. Ça fait vraiment aussi partie de notre ADN. Ah ben oui, on n'a pas le choix, en fait. Même si on n'aime pas ça, on en a vu, on a pratiqué. Chez nous, dans la rue, on jouait et quand l'autobus arrivait, on enlevait les buts. Ouais. Pendant les étés, on était... Je suis de Québec, donc j'ai pris pour les Nordiques. Et le départ des Nordiques, pour moi, est une plaie. On ne peut pas être parfait. Oups, il y a des gens qui ne m'aimeront pas à Québec. J'assume. On commence donc l'histoire du hockey. C'est pas évident, en fait. Ça remonte à quand le hockey, ou en tout cas, Laurent, dans un premier temps, ce qui peut ressembler au hockey? Ben oui, c'est ça le problème, en fait. Quand vous ouvrez un livre d'histoire sur l'histoire du hockey, on commence tout de suite au Canada. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous avouerai que en histoire, c'est très difficile de donner une date pour un événement, comme par exemple la Révolution française, la bataille des plaines d'Abraham. Pour le hockey, c'est une espèce de longue maturation et une évolution, surtout. Une transformation, en fait. Exactement. Qu'est-ce que le hockey? C'est ça la question. Pour dire ça commence quand, on parle de quoi, finalement? Ben oui, c'est ça. Et en fait, on pourrait revenir jusqu'au Moyen-Âge avec un des jeux, sans doute, qui est le plus important, qu'on appelle la soule. La soule, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux équipes de deux villages, en fait, c'est tout le village, qui se rassemblent et on doit se battre pour avoir une boule qui est, en fait, un ballon. Des fois, ça va être en bois. Après ça, ça va être d'une vessie parce que ça devient trop violent. Et deux équipes qui se battent pour avoir la boule. Le problème, c'est qu'on joue l'été, mais quand l'hiver arrive, on va inventer une crosse. Donc, on va souler à la crosse qui va donner le polo, qui va donner aussi le hockey, mais qui va donner aussi tout plein d'autres sports comme le football. Et c'est véritablement un jeu traditionnel qui se jouait dès l'époque médiévale, donc dès le 13e siècle, pourrait-on dire. Et même si vous allez dans les anciens manuscrits ou sur Internet de la British Library, vous tombez sur des enluminures du 14e siècle. On dit « Ah! Ils jouent au hockey! » C'est plus complexe que ça. Le mot n'existe pas encore. On s'échange des balles, des ballons, deux équipes s'affrontent, il n'y a pas encore de glace. On le fait parfois dans des espaces qui sont glacés sur les rivières, par exemple, mais ce n'est pas encore véritablement institué. Les sports comme tels, durant la longue période qui va du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, ce n'est pas quelque chose qui est fixé avec des règles. On n'est pas dans la standardisation. En fait, la manière dont les loisirs et ce qu'on pourrait appeler appelé le sport, à l'époque on parlait de desport, se passe dans les interstices du temps de travail. Il n'y a pas de temps de loisir, du temps du sport qui est spécifique comme il l'est aujourd'hui. Et puis il y a ce qui là vraiment nous rapproche pas mal du hockey, parce que là c'est vraiment sur la surface glacée, 16e siècle, le bandy. Le bandy, qui existe encore aujourd'hui, le bandy, qui joue sur des champs de glace aux Pays-Bas. Et c'est probablement des Pays-Bas que ça a été importé vers l'Angleterre et de l'Angleterre vers l'Empire, bien sûr. Et vous savez que nous faisons partie de l'Empire ici. Mais le bandy va continuer à avoir sa propre trajectoire. On va le faire. Et en fait, on a de la difficulté des fois à distinguer le bandy du hockey. Souvent, c'est la forme du bâton qui est beaucoup plus arrondie, ouais. Le nombre de joueurs qui est plus important. Mais ça va développé de sorte que même on va retrouver une fédération internationale de bandy en 1955. Ça se poursuit vraiment. Ça se poursuit même. Ouais. Ils vont faire une démonstration à l'occasion des Jeux d'hiver de 1952 à Oslo. Ça ne sera pas retenu parce que le hockey, dès cette époque-là, on le sait, est rendu extrêmement puissant, dominant, hégémonique, pourrait-on dire, sur ce genre de sport. Mais le bandy, vraiment, ça se rapproche pas mal. Vous l'avez dit, surface glacée, les patins, parce qu'évidemment, il faut des patins pour qu'il y ait du hockey, il faut de la glace, puis il faut des patins. On va écouter à ce propos l'ancien relationniste du Canadien, Camille Desrochers, qui raconte l'importance justement du patin à l'émission L'histoire du hockey diffusée en 1985. Pour remonter aux origines du hockey, je crois qu'il faut d'abord remonter en autant qu'on peut le faire aux origines du patin. Parce que c'est le patin qui a amené le hockey. Il n'y a pas de hockey sans patin. Et en 1572, la première lame de fer a été conçue et popularisée, pour ainsi dire, en Écosse. Les patins avec une lame en fer qui était déjà une grande amélioration comparée au bois ou aux os. Mais la grande révolution, en autant que le patin est concerné, s'est produite en 1850. Et c'est un Américain de Philadelphie du nom de Bushnell qui a inventé alors la première lame d'acier et qui l'a fixée à un patin. Et ça a résolu toutes sortes de problèmes parce qu'une lame d'acier, ça nécessite beaucoup moins d'aiguisage. Les lames de fer, il fallait les aiguiser presque tous les jours, apparemment. Mais Bushnell a changé tout ça. Et c'est encore ce qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, des lames d'acier. Alors, Laurent Turcot, on le disait, il y a un flou. C'est très, très difficile scientifiquement, entre guillemets, d'établir la naissance du hockey. Comme il y a un flou, le patin, est-ce que c'est l'Écosse, comme on vient de l'entendre? Parce que toutes sortes de choses alors, se sont dites. Je vais être très méchant. Alors, votre archive est fausse. En fait, c'est que ça fait partie des multiples rumeurs, mais on le sait aujourd'hui que ça vient des Pays-Bas. Ouais. C'est de là que le patin a été inventé. Et à partir du 17e siècle, fin 17e siècle, les Pays-Bas vont avoir énormément de liens avec l'Angleterre. C'est notamment Guillaume d'Orange qui va marier à les Stuart à la fin. Et c'est la dynastie Hanovre. Là, je vous passe le côté généalogique. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il va y avoir une dynastie qui vient des Pays-Bas, qui va prendre la couronne britannique et avec eux tout un ensemble d'éléments culturels. On le sait, la culture, ça passe souvent beaucoup mieux les frontières qu'autre chose. Et avec eux, bien sûr, le patin. Parce qu'à l'époque, on est dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui va de 1450 à 1850. C'est-à-dire qu'il y a un refroidissement des températures dans toute l'Europe. La Seine à Paris, la Tamise à Londres gèle. Ce qui fait qu'on va même faire des foires sur la Tamise à Londres en plein hiver. Essayez pas aujourd'hui, ça va être une catastrophe. Ouais. Mais donc, on patinait sur la Tamise à Londres et ça vient des Pays-Bas. Bon, il y aura aussi, pour ce qui est de la naissance du hockey au Canada, différentes théories. On dit, déjà les Hurons s'intéressent à... Mais encore là, c'est flou. C'est la crosse, en fait. Les Hurons, c'est vrai qu'il y a une hybridation, pour prendre un terme contemporain, entre la culture huronne. Le père Sagard, qui relate ce que font les Hurons, écrit « Ils jouent avec des bâtons courbés qu'ils font couler par-dessus la neige et crossent une balle de bois léger. » Chose, en fait, qui rappelle la soule qu'on a évoquée, ce qui sous-entend que peut-être qu'il y a eu un échange, mais encore une fois, les sources nous manquent pour être capables d'isoler le moment précis où ça commence. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de moment où ça commence. Ben, en fait, j'y reviens. Qu'est-ce que le hockey pour trouver à partir de quand ça commence, de quoi on parle? Puis bon, on a parlé de la glace, on a parlé du patin à lame. L'autre élément central, c'est la rondelle, quand on abandonne la fameuse balle. Et là, enfin, il y a peut-être, ce qui ressemble à un consensus. Oh, Laurent Turcot, le premier match de hockey sur glace, vraiment comme on le connaît, avec rondelles, 3 mars. Et c'est là-dessus, il y a vraiment plein d'informations et de détails. 3 mars 1875, on sait exactement où à Montréal. On écoute là-dessus l'historien du sport, Donald Gay. C'est le 3 mars 1875. Ça a paru dans la Gazette de Montréal, vous pouvez vérifier. Ça a lieu au Victoria Skating Ring. C'est 2 équipes de 9 joueurs. Pour la première fois, on joue à l'intérieur. Donc, les dimensions de la patinoire apparaissent comme importantes, alors qu'avant, on jouait sur les rivières et les lacs où les dimensions n'avaient aucune signification. Et pour la première fois, on joue avec un bloc de bois, une rondelle, plutôt qu'une balle qui rebondissait, afin de ne pas blesser les spectateurs. Donc, les deux particularités importantes nouvelles, c'est le bloc de bois qui remplace la balle et le fait qu'on joue à l'intérieur. Donc, on a un terrain délimité pour une fois. Et ça, c'est propre au sport. Et là, à partir du moment où ce match s'organise en 1875, ça va être l'explosion. Là. Ah oui, carrément. Puis c'est même, je vous dirais, Donald Gay a raison de le rappeler, en fait. Ça fait même partie de la légende. Ce sera un étudiant de McGill, un certain Crichton, qui a décidé d'établir des règles formelles. Et on le sait, le sport se définit quand il y a une standardisation. Mm-hmm. C'est-à-dire quand il y a deux équipes qui se rencontrent et qui s'entendent sur des règles. Je vous donne juste une idée, c'est que les règles, ça va prendre du temps avant qu'on le fasse. C'est dans les années 1880, une équipe de Montréal rencontre une équipe de la ville de Québec et ils sont incapables de s'entendre sur des règles. Donc, que font-ils? Ben, ils annulent le match, ouais, tout simplement. Ouais. Et c'est une longue maturation, mais vous avez raison de le spécifier ici. Là, ça va être rapide. À partir des années 1875, là, on se rend compte non seulement qu'il y a un marché, que c'est agréable et que les gens sont intéressés, ouais, par la chose. Et c'est vrai, et j'abonde entièrement dans cette idée-là, que c'est Montréal qui est véritablement la ville hockey par excellence. Il y a plein d'autres théories. Là, les clubs s'organisent. Ils vont se multiplier à une vitesse folle. Ah oui, le Shamrock de Montréal, le Canadien de Montréal en 1909 aussi. Mais... En fait, la première équipe francophone, puis j'ai l'impression que Jean Tremblay, c'était un gros clin d'œil dans sa série L'an, oui, Seconde, le National. Parce qu'au début, c'est des équipes anglophones, pas mal. Oui. Le National, première équipe francophone en 1895. Oui, tout à fait. Parce que oublions pas que ce sont les officiers en garnison britannique qui sont ici, qui vont importer le bandy, dont on a parlé, et qui vont commencer à jouer peu à peu, ça va se formaliser pour le hockey. Et c'est pas, ça vient pas de nulle part, le fait que ce soit les anglophones qui aient développé le sport. Les francophones vont s'y adapter par conformité sociale, mais aussi parce qu'on y trouve notre lot de plaisir. Et comme l'hiver, vous le savez, et souvent on a peu de choses à faire, du moins, c'est un moment de sport par excellence. Ouais. Et le hockey va permettre justement de confronter ces rivalités entre anglophones et francophones avec la première équipe, vous l'avez dit, le National, et on pense à Régent Tremblay. Donc, le Canadien en 1909, la Ligue nationale de hockey en 1917. Il y aura une petite expansion, moi je savais pas ça, dans les années 20, on va aller du côté des États-Unis dans la Ligue nationale de hockey. Puis les fameuses, pour nos plus vieux auditeurs, là c'est encore un mythe, les fameuses 6 équipes, ça c'est, oui, 1942. Oui, les fameuses 6 équipes. Je m'en souviens plus par cœur, il y a les Red Wings, il y a les Rangers. Chicago, New York, qui d'autre? Montréal, Boston, Toronto. Voilà, voilà. Ouais. Mon père était un fan fini des Blackhawks parce qu'il trouvait que... Je pense que c'est ça. Là. Il y en avait beaucoup parce qu'il disait que c'était le plus beau single alors que celui des Canadiens, selon lui, était n'importe quoi. Bref, il y a plein d'autres théories aussi, ouais, sur lesquelles le Canadien, c'était le Canadien habitant, d'où les Habs que ça donnait, et que c'était une insulte qu'on faisait aux Canadiens français. C'est beaucoup plus complexe. Puis là, ben, que c'est, ça. C'est des soirées de plaisir, ouais, des rivalités qui vont déchirer les familles. On connaît l'histoire. Arrive, on peut pas faire une histoire du hockey en passant à côté de cette émeute de 1955 et en parlant du phénomène Maurice Richard. Clarence Campbell reçut d'abord une volée de coups que les policiers de faction ne réussirent pas à parer pour lui. Une bombe de fabrication domestique explosa sur la glace et déclencha le triste spectacle qui devait suivre. Quand on fit le bilan de l'émeute, les dégâts s'élevaient à plus de 100 000 $. En prenant ainsi la défense de leur idole, les amateurs de hockey faisaient dans les pages du sport une tâche indélébile. Alors, Laurent Turcot, qu'est-ce qui conduit à cette émeute et que se passe-t-il ce fameux 17 mars 1955? C'est devenu une date quand même, ouais, dans l'histoire du Québec. On a l'impression que cette émeute qu'on a appelée les émeutes Richard, mm-hmm, ça va véritablement fonder ce qu'est le nationalisme actuel. On va redonner les éléments pour comprendre. Alors, nous sommes en mars, pardon, 1755. Une bagarre éclate 1955, entre Maurice Richard et le joueur des Bruins de Boston. Mais pas plus! Être historien et se tromper sur des dates, c'est quand même assez difficile. Donc, il se bat avec un des joueurs des Bruins de Boston, Al Leiko, mais il va s'en prendre non seulement au joueur, mais à l'arbitre aussi avec son bâton. Alors là, bien sûr, il est expulsé du match, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la première fois qu'il se bat, ce n'est pas la première fois qu'il prend son bâton pour se faire justice soi-même. Et on peut même dire que Maurice Richard, c'est le joueur le plus puni de la Ligue nationale de hockey. C'est celui qui a reçu le plus grand nombre d'amendes de la Ligue nationale de hockey. Donc là, pour les dirigeants, on se dit là, ça suffit. Il faut dire à sa défense qu'on lui court pas mal après parce qu'il sait comment marquer un but ou deux. Oui, mais peu importe. Ouais. C'est que regardons les faits, d'accord? Après, on va l'interpréter. Donc, la Ligue nationale se dit, si ça suffit, on va frapper un grand coup. Et le coup, on va en faire un exemple de Maurice Richard. Il est suspendu par ce qui est le commissaire de la Ligue, le président Clarence Campbell, dont on a entendu le nom il y a quelques instants. Il est suspendu pour le reste de la saison et pour les éliminatoires de la Coupe Stanley qui s'en viennent. Mais en plus, le lendemain, le 17 mars, on apprend qu'il y a un match, on le sait déjà, mais que Clarence Campbell va assister au match. Donc, qu'est-ce qui se passe ce jour, et j'insiste, ce jour de la Saint-Patrick du 17 mars 1955, je me suis encore trompé. Alors, Clarence Campbell arrive, et là, on commence à lui jeter des choses, des objets en tout genre. Une bombe lacrymogène explose, on est obligé de sortir les gens dehors, l'émeute commence, on détruit des vitrines, on est habitué à Montréal à détruire des choses quand ça va pas du côté duquel on veut. Et s'ensuit justement cette fameuse émeute Richard. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce jour de la Saint-Patrick, oui, il y avait des gens pas loin du forum qui manifestaient pour Maurice Richard, mais il y avait aussi des gens qui étaient là pour fêter. Ouais. Et ce n'est pas une émeute nationaliste. Pourquoi? Parce que c'est une émeute avant tout montréalaise qui appartient au monde du hockey. Dans la foule, on retrouve des anglophones, on retrouve des francophones, des deux catégories dont on dit que les camps se sont opposés. Des partisans du Canadien. C'est exactement ça. Qui sont en colère, qu'ils soient francophones ou anglophones. C'est la même chose encore aujourd'hui. C'est pas vrai que les partisans du Canadien de Montréal en 2015, ce ne sont que des francophones. Ouais. C'est le symbole qu'on a voulu y attacher. Et de fait, Laurent, avec le prix des billets à l'époque, il y a probablement pas mal plus d'anglophones, en tout cas à l'intérieur du forum, que de francophones. Tout à fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est que certains francophones avait l'idée de se présenter au forum, bien qu'il n'ait pas de billets, pour éventuellement participer à cette manifestation. Donc, on peut dire qu'il y avait des deux. Et on a fait de cet événement le début, ou les prémices de la Révolution tranquille. Et même, je vous cite un article du Devoir qui est écrit par André Laurendeau, et le titre est quand même assez évident, « On a tué mon frère Richard ». Et il commence par ces phrases, « Le nationalisme canadien-français paraissait être réfugié dans le hockey ». Et il va même associer Maurice Richard à Louis Riel. Oui. Donc, il y a toute une construction mémorielle qui est faite à partir de l'événement, mais pourtant, quand on regarde dans les années 1960, donc quelques années après, plus personne n'en parle. C'est passé sous le boisseau carrément, alors que dans les années 70, le fameux réveil national, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, là, on se dit, ben, il s'est passé quelque chose en 1955. Peut-être que l'émeute Richard, les émeutes Richard de 1955, ce sont les prémices et ça explique que le mouvement, le moment que nous sommes en train de vivre, il y a des racines profondes et ça en fait partie. Donc, on va investir l'événement pour lui donner un sens. Grand saut dans le temps, on sort du Canada. Cette série mémorable, la série du siècle en 1972. Le disque est repris par Serge Savard. De Savard à Stapleton. Esposito, il a cournoyé à nouveau. Cournoyé qui s'avance. Oh, Henderson a perdu la passe. Et il a fait une chute. Et devant le but. Et le but de Henderson. Avec 34 secondes encore. Écoutez, cette série, comment résumer ça? C'est sportif, c'est géopolitique, le Canada contre l'URSS. Au fond, il y a une belle suite dans notre émission parce qu'on s'interrogeait sur les origines du hockey, à qui appartient le hockey. C'est ça, la série de 72. Ah, carrément. C'est la guerre froide sur glace et les Soviétiques qui avaient développé des compétences impressionnante dans le sport, mais dans tous les sports. Ouais. C'est le moment où on se rend compte que la guerre froide va se passer sur les terrains de sport. Et juste pour vous dire, l'URSS venait de battre les États-Unis au basketball. Donc, il est en train de dire à tous les pays occidentaux, on va vous battre sur tous les terrains. Sur votre propre terrain. Exactement. En fait. Ouais. Et les Canadiens, en fait, eux... ils ont pas vraiment, ils sont pas véritablement rentrés sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que aux Jeux Olympiques, il n'y avait pas d'athlètes professionnels. Ce n'était que les amateurs. Les Soviétiques gagnaient sur toute la ligne. Ouais. Et là, ils se disent, on veut une vraie rivalité. Vous prouver qu'on est les plus forts quand les vrais joueurs sont sur la glace. Et pourtant, quand la série commence, les Soviétiques disent, nous sommes venus pour apprendre. Mm-hmm. Donc, une grande modestie. Et même tous les commentateurs sportifs vont dire, si le Canada ne gagne pas les 8 matchs, on va manger nos chroniques sur la place rouge parce qu'on est sûr qu'ils vont gagner. Premier match à Montréal. Défaite cuisante de 7-3. L'humiliation. Et le silence dans le forum. Plus personne qui dit rien. On dit nos Phil Esposito, nos Ken Dryden, notre Serge Chavard, Yvan Cournoyer. Plus personne n'est capable de rien faire. Ouais. Et devant eux, une merveille de 20 ans, Vyacheslav Tretiak, mm-hmm. qui arrête tout, mm-hmm. mais tout. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième match au moins à Toronto, victoire 4-1. Troisième match, match nul à Winnipeg. Et quatrième match, défaite à Vancouver. Ça veut dire que les quatre matchs au Canada, deux défaites, une victoire, un nul. On part en Russie pour les quatre autres matchs et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Premier match, on perd. Ce qui fait qu'il reste trois matchs. Il faut absolument les gagner les trois. On gagne les deux premiers. On arrive au dernier, le huitième match, le match ultime. Les Soviétiques mènent 5-3 dans la deuxième période. Phil Esposito, Yvan Cournoyer, qui égalise le pointage. Et là, le fameux but de Paul Anderson. Une nation se lève. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de la télévision, mais la télévision devient un acteur clé qui vont faire vivre de manière, par ricochet, en fait, ce moment. Et là, toute la nation se lève et on dit, oh, on a gagné une chance. Mais notre fameuse supériorité dont on pensait qu'elle était incontestable est menacée. Et c'est pas pour rien qu'à partir de ce moment-là, on se dit, ceux qui peuvent nous battre, si on est battable, mm-hmm. ce sont les Russes, c'est pas les Américains. Ce sont les Russes. Avec le recul, Laurent, on vient de sortir de cette série qu'on a fini par gagner par la peau des dents. Quand on regarde l'histoire, quand on regarde ce qui est devenu le hockey aujourd'hui, à qui appartient le hockey? C'est canadien. Moi, je n'ai aucun problème à l'assumer. C'est canadien pour une raison très simple. C'est que le moment originel, c'est à Montréal. Mm-hmm. Mais plus encore, le symbole référentiel, c'est au Canada. Regardez sur les billets de banque. Vous avez des jeunes enfants qui jouent au hockey. Regardez la poésie. Regardez la littérature. Regardez l'importance qu'on donne au hockey. C'est canadien. Mais, entendons-nous, ce n'est pas parce que le symbole est canadien que le sport comme tel nous appartient. Aujourd'hui, on le sait, ce sont de grandes compagnies qui prennent en charge les équipes. Ouais. Et là, je ne dis rien de neuf, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur et n'a surtout pas de drapeau. On se sert du symbole pour capitaliser. Laurent Turcot, historien et tellement plus enseignant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.